Les bellicistes sud-coréens s'acharnent à accroître les armements contre le Nord. Le 27 juillet, la marine sud-coréenne a fait un service de réception de 4 hélicoptères d'opération maritime de fabrication européenne et le lendemain a lancé à l'eau une vedette de série nouvelle chargée de l'opération dans les eaux du point chaud de la mer de l'Ouest de Corée. Les forces de terre envisagent de déployer encore une centaine de chars de type nouveau dans les troupes de la première ligne du front, de développer et de disposer avant la fin de l'année des appareils sans pilote à usage de transport des munitions. D'autre part, la 27e division des forces de terre a annoncé un simulacre de guerre localisé et total où seront mobilisés des civils, des fonctionnaires administratifs et même la police, sans parler d'énormes effectifs et matériels de guerre dans les districts de Chuncheon et de Facheon de la province du Gangwon de Corée du Sud.